Ah, d'accord. Ça va. Quand elle mange son bourri, fait racatacou. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Joe, toujours une quiche dans son monde. Dans la sec et mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Big baby, je suis dans la zone, elle aime trop parler. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Quand elle mange son bourri, fait racatacou. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Joe, toujours une quiche dans son monde. Dans la sec et mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Big baby, je suis dans la zone, elle aime trop parler. Elle a kiffé le mood, elle aime trop parler. Oh. Ah, d'accord, ça va. Ah, d'accord, ça va. Ma chérie, t'es pressée, faut rester là. Si tu pars, je t'attends pas, je te prends en place. Allez, sweet. Non, je vais pas courir après toi, c'est pas possible, maman m'a pas appris ça. Jamais. Toujours comportement. Allez, bébé, viens vite, non. J'ai assez pour bloquer la plus grosse bleue. Comportement. Bébé, viens vite, non. J'ai assez pour bloquer la plus grosse bleue. Moula. La cité, ici c'est la cité. C'est le quartier, personne pour ma cité. Sonne pas, tout est maîtrisé. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Joe, toujours une quiche dans son monde. Dans la sec et mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le monde.